avec la joie dans les yeux. Elle habite dans une petite cabane, près de la source dans la forêt. On dit qu'elle est un peu sorcière, moi je crois bien que c'est une fée. Je suis en...